Lady Isabel par Mrs. Henry Wood. Troisième partie, chapitre 1er, Stalkenberg. Plus d'une année s'était écoulée. À Stalkenberg, petite ville d'Allemagne, s'était fixée pour y prendre les eaux une famille anglaise du nom de Crosby. Cette famille se composait de M. et Mme Crosby, d'Hélène Crosby, leur fille, et d'une institutrice. Hélène Crosby était une charmante personne de 17 ans, dont la dot s'élevait au chiffre rond de 400 000 francs. 400 000 francs, jeune et joli, se dit à lui-même le comte Otto de Stalkenberg, le fils du haut et puissant seigneur de l'endroit. C'est là mon affaire, c'est la femme de mes rêves. Dès ce moment, le comte Otto de Stalkenberg fut assidu chez les Crosby et un beau jour, il risqua sa demande, qui fut agréée. Hélène Crosby, au comble de la joie, courut toute haletante à la chambre de son institutrice. « Madame, madame, savez-vous la nouvelle ? Je cesse mes études avec vous, on me marie. » L'institutrice leva vers la jeune fille son visage pâle et flétri. « En vérité, » fit-elle d'une voix douce et pleine de mélancolie, « vous êtes bien jeune, mon enfant, pour quitter vos parents. » Et maintenant, lecteur, examinez un peu la femme qui vient de prononcer ces paroles et voyez si vous la reconnaissez. « Non, dites-vous, vous vous trompez, regardez encore. » C'est Lady Isabel Vane. Grand Dieu, qu'elle est changée! Oui, c'est là le résultat de l'accident du chemin de fer et aussi, disons-le, du chagrin, des remords. Elle boite en marchant, elle est courbée et paraît moins grande qu'autrefois. De la bouche au menton s'allonge une cicatrice qui modifie complètement le bas de la figure. Il lui manque quelques dents, ce qui gêne sa prononciation. Les simples bandeaux de ses cheveux, presque gris, se dérobent sous un grand bonnet plat. Elle-même, la pauvre femme, s'étudie à se défigurer. Ainsi, elle porte des lunettes vertes. Un large ruban de velours noir s'abaisse sur son front. Sa mise en fin contribue également à la métamorphose. Ses robes ne sont plus ajustées à sa taille. Elle porte un de ces zouaves disgracieux qui semblent avoir été inventés pour masquer les difformités du buste. Quant au chapeau dont elle se coiffe, il éclipse son visage et un voile épais sert d'auxiliaire au chapeau quand elle sort dans la rue. En un mot, Lady Isabel est méconnaissable. À Stalkenberg, elle avait rencontré Madame Ducy et ses filles, sans que celles-ci eussent même soupçonné qui elle était. Qui donc, en effet, aurait pu la reconnaître? Qu'y avait-il dans cette femme brisée par la douleur, vieillie par les souffrances, qui ressembla à la gracieuse Isabel au teint jadis si transparent, aux traits si purs, à la chevelure d'ébène, à la taille élancée? Et cependant, sa figure rayonnait encore de bonté, de douceur et de grâce. Et l'on se demandait parfois comment sur une tête si jeune il y avait des cheveux gris. Depuis 2 ans déjà, elle demeurait avec les Crosby. Après sa guérison des effets du terrible accident, elle s'était retirée dans une ville paisible du voisinage, et c'est là, dans cette retraite tranquille, qu'elle avait fait la connaissance des Crosby. Lady Isabel leur avait fait croire qu'elle était veuve d'un Français. Tout d'abord, elle fut invitée seulement à donner quelques leçons particulières à Hélène, puis peu à peu, on s'attacha à elle, au point de lui offrir d'entrer définitivement dans la maison. Décrirons-nous à présent l'état de son âme? La chose est difficile. C'était une vaine inquiétude, une fièvre intérieure, un invincible désir d'une chose impossible, le désir de revoir ses enfants. Ah oui, duchesse ou vivandière, la femme est partout, est toujours la même quand elle est mère. Il faut être mère pour le savoir, il faut avoir eu des enfants, en avoir été séparée, pour le comprendre. Nous voyageons pour notre plaisir, pour notre santé peut-être, et pendant les premières semaines d'absence, le désir de voir les gracieux petits visages de nos bébés chéris, le désir d'entendre de nouveau leur charmant babil, de savourer leurs doux baisers, ce désir se tait, reste muet. On se console en ouvrant à la hâte les fréquents messages qui nous apportent des nouvelles de leur amour, de leur tendresse. Mais un moment arrive où le cœur n'y tient plus, où la mère veut à toute force retourner auprès des chers petits êtres, les revoir, s'enivrer de leur suave caresse. N'est-ce pas que c'est vrai, bonne mère qui me lisait, que devait donc éprouver Lady Isabel, que ce désir, que ce besoin dévorait depuis tant et tant d'années? Qu'est-ce que le mal du pays qui saisit, dit-on, les Suisses exilés de leur patrie? Ce mal n'est rien, comparé à celui qui travaillait le cœur d'Isabel. Elle avait toujours éprouvé pour ses enfants un amour passionné. Elle avait toujours été inquiète et jalouse de leur bien-être. Et ce n'était pas la moindre de ses tortures de penser qu'elle les avait abandonnés à des soins mercenaires. Les élèverait-on dans l'obéissance, la sagesse et la religion? et sa fille. Grandirait-elle dans cet oubli des devoirs pour devenir, peut-être ce qu'elle, sa mère, était devenue? Oh, combien ces idées la tourmentaient maintenant, lui torturaient l'esprit, l'obligeant à se voiler le visage de ses mains et à gémir de douleur. Depuis quelque temps surtout, l'envie de revoir ses enfants la poursuivait nuit et jour. C'était une véritable fièvre, une fièvre de la pire espèce. Car elle attaquait à la fois son âme et son corps. Ses lèvres étaient pâles et sèches. Dans sa gorge s'était installé ce malaise singulier, sorte de suffocation inexplicable, mais que connaissent trop bien ceux qu'écrase un point intérieur. Nulle nouvelle d'Eastline depuis cette visite de Lord Mountsevern à Grenoble, depuis 3 ans enfin. Elle aurait pu questionner Madame Ducie, mais le pouvait-elle? N'était-elle pas Madame Vine à présent? Oh, revoir ses enfants, ne fût-ce qu'un jour, une heure, presser ses lèvres sur leurs lèvres. Non, sans cette satisfaction, sans cette consolation, la vie pour elle n'était plus possible. Madame Latimer, une habitante de Westline, se trouva par hasard à cette époque à Stalkenberg. Avec elle était Affie Hallijohn, un peu comme dame de compagnie, beaucoup comme femme de chambre. Madame Latimer avait un caractère facile et elle aimait Affie. Celle-ci d'ailleurs avait eu l'adresse de se disculper à ses yeux des bruits fâcheux qui circulaient sur son compte. À Stalkenberg, Madame Latimer était descendue au même hôtel qu'habitait la famille Crosby, à l'hôtel de Ludwig Bad. Il n'y avait pas 8 jours que Madame Latimer était arrivée à Stalkenberg, qu'elle avait conçu la plus violente amitié pour Madame Crosby, qui, de son côté, lui avait juré un amour éternel. Or, le soir du jour où Hélène Crosby avait communiqué la nouvelle de son prochain mariage à Lady Isabelle, celle-ci était allée faire une promenade dans le jardin attenant à l'hôtel, et s'était assise dans un endroit solitaire et qu'elle affectionnait. Quelques minutes après, Affie se trouva dans la même allée de ce même jardin. « Tiens, voilà l'institutrice, » se dit Affie en apercevant Lady Isabelle. « On la reconnaît à une lieue de distance, à son vaste chapeau. Je vais aller causer avec elle. » En conséquence, Affie, que la timidité ne troublait guère, courut s'asseoir auprès d'Isabelle. « Bonsoir, Madame Vine. »« Bonsoir, » répondit Isabelle avec politesse et sans soupçonner à qui elle s'adressait. « Je vois que vous ne me reconnaissez point, » poursuivit Affie. « Je suis la dame de compagnie de Madame Latimer, et comme elle passe la soirée chez les Crosby, je me promène pour me distraire. « Dieu, que c'est ennuyé, Stalkenberg. Vous trouvez ?»« Pour moi, du moins, qui ne comprend ni le français ni l'allemand. J'ai voulu venir ici, mais je le regrette à présent, et je voudrais être de retour à Westline. » Lady Isabelle n'avait encouragé à finir en parole ni par ses manières. Mais en entendant ce nom de Westline, elle sentit son cœur bondir dans sa poitrine, et elle ne fut pas assez maîtresse d'elle-même pour cacher sa fiévreuse émotion. « Vous venez donc de Westline ? » balbutia-t-elle. « Hélas, oui. Je viens de cet affreux endroit. Madame Latimer y a pris une maison peu de temps après mon arrivée chez elle. Elle aurait mieux fait, je pense, d'en prendre une à Botany Bay. « Connaissez-vous Eastline ? » hasarda Isabelle en détournant la tête pour cacher son émotion. « Comme ma poche !» répliqua vivement Affie, dont le langage n'était pas toujours du goût le plus épuré. « Je dois connaître Eastline, puisque ma propre sœur, Mademoiselle Hallijohn, est là dans une famille. Mais vous, Madame Vine, le connaissez-vous, ce pays-là ? » Lady Isabelle hésitait. Que devait-elle répondre ? « Oui, j'y ai fait un court séjour, il y a quelques années. Il y avait à cette époque une famille dont j'aimerais entendre parler, la famille Carlyle. » Affie hocha la tête. « Ah ! Les choses ont bien changé depuis lors. Je présume que vous les avez connues dans le temps de Lady Isabelle. » Il eut encore une pause. Lady Isabelle ? Ah oui, c'était la femme de M. Carlyle. Singulière femme qu'il avait là, continua Affie. Vous avez dû entendre parler d'elle, Madame Vine. Cela fait assez de bruit. Elle s'est laissée enlever, elle a abandonné son mari, ses enfants. Les enfants, bif-t-il encore. Hélas, oui, les pauvres petits, mais il y en a un qui me semble bien être sur le bord de la tombe. Joyce, c'est ma sœur, entre dans une belle colère contre moi quand je dis cela. Elle s'imagine que l'enfant se fortifiera en grandissant. Isabelle essuya les grosses gouttes de sueur qui perlaient à son front. « Lequel des enfants ? Est-ce Isabelle ? » demanda-t-elle en affectant une pénible et douloureuse indifférence. « Isabelle ? » reprit Affie avec étonnement. « Je ne sais de qui vous voulez parler. »« De Mademoiselle Isabelle Carlyle, l'aînée des enfants, » poursuivit-elle nerveusement et au comble de l'anxiété. « Il n'y en a pas de ce nom-là. Il y a Lucie, et c'est la fille unique. » Quand je les connaissais, il n'y avait qu'une fille, et elle se nommait Isabelle. Attendez donc, reprit Affie. Oui, maintenant que vous m'en parlez, il me semble en effet me rappeler quelque chose. Qu'est-ce qu'on m'a dit ? C'est Wilson qui m'a confié cela, oui. Je m'en souviens parfaitement à présent. Il paraîtrait que la nuit même du départ de sa femme, M. Carlyle donna l'ordre que la petite fille fût dorénavant appelée Lucie. Il était assez naturel, en effet, que le nom d'Isabelle lui fit horreur et qu'il ne voulut plus le laisser porter à sa fille. « Très naturel, » soupira Lady Isabelle. « Lequel des enfants est malade ?»« C'est William, l'aîné des garçons. Il est maigre comme un hareng. Il a les joues colorées et les yeux brillants. » « Avez-vous jamais vu Lady Isabelle ?»« Moi ? Oh non, Dieu merci, je n'y tiens guère. » Vous comprenez bien, Madame Vine, que l'on évite autant que possible de se trouver en contact avec de pareilles femmes. Si je ne me trompe pas, continua la pauvre institutrice, il y avait un autre petit garçon, Archibald, je crois. Comment va-t-il? Oh, l'insupportable gamin, hardi comme un turc. Il n'y a pas de danger que celui-là devienne poitrinaire. C'est le portrait de M. Carlyle. Mais, ajouta la fille, en changeant brusquement de conversation, puisque vous avez demeuré à Westline, on a dû vous débiter bon nombre d'histoires sur mon compte. Il me semble avoir entendu prononcer votre nom, mais à quel propos je ne m'en souviens plus guère. Mon père a été assassiné. Oui, je me rappelle ce fait. C'est un nommé Richard Hare qui a fait le coup et puis il a décampé. Vous connaissez peut-être la famille Hare? Eh bien, après l'enterrement, je quittais Westline. Je ne pouvais plus rester. Je me tins éloigné et savez-vous ce que l'on dit alors? Que je courais après Richard Hare. Si j'avais pu deviner qu'on se permettait de tels propos sur mon compte, je serais retourné, madame, et j'aurais fait taire les mauvaises langues. C'est une horreur, une infamie. Vous n'avez donc pas suivi ce jeune homme? Moi? Devenir la compagne d'un assassin, du meurtrier de mon père? Si Calcraft, le bourreau de Westline, pouvait accrocher à sa potence quelques-uns des calomniateurs qui osaient répandre un tel bruit, les autres se tairaient bien vite. C'est du moins ce que j'ai dit à M. Carlyle. Ah, M. Carlyle? Répéta Isabelle sans trop penser à ce qu'elle disait. Oui, et cela le fit rire. Lui seul n'était pas injuste à mon égard. Il ne croyait pas à mes relations avec Richard. Ah, c'est un noble cœur, c'est un beau caractère que M. Carlyle. Vous étiez en place, n'est-ce pas? Ah, fit tout ça. Oui, j'étais d'abord dame de compagnie chez une vieille femme qui m'a prise en amitié et qui m'a laissé à sa mort un beau legs. J'ai passé ensuite 2 ans chez la comtesse de Mount Severn. Chez la comtesse de Mount Severn? Interrompit vivement Isabelle. Ah oui, continua-t-elle en se ravisant, je sais, c'est une parente de Lady Isabelle. Assurément, tout le monde sait cela. J'étais à son service quand arriva l'affaire. La comtesse se déchaîna contre Lady Isabelle. Elle et Madame Levison ont passé plus d'une journée à la déchirer à belles dents. Oh, je vous assure que je suis au courant de tout cela. Mais qu'avez-vous donc, Madame Vine? Pourquoi appuyez-vous ainsi votre tête dans vos mains? Vous sentiriez-vous mal à l'aise? Ce n'est rien. « Continuez, » fit-elle. Affy Ali John continua. « Après le compliment flatteur que l'on m'avait fait à Westline, vous pensez bien, Madame Vine, que je n'étais pas pressé d'y retourner. Et si la place de Madame Latimer ne m'avait pas paru excellente, je l'aurais quittée plutôt que d'endurer tout cela. Enfin, j'ai surmonté la bourrasque. Connaissez-vous cette aimable Cornélie ? Je l'ai vue. En voilà une qui me déteste, par exemple. » Il suffit qu'elle m'aperçoive pour que ses yeux s'illuminent aussitôt de rage et que ses bras gesticulent de colère. Drôle de femme. Je ne lui en veux pas. C'est son habitude. Elle est aussi ridicule qu'égoïste. Est-elle encore à Eastline? Non, vraiment. On lui a fait son compte et on a bien fait. Car Eastline serait devenu un champ de bataille entre elle et Madame Carlyle. Ces mots glacèrent dans ses veines le sang d'Isabelle. Madame Carlyle, répéta-t-elle d'une voix éteinte, de qui voulez-vous parler? Parbleu, de Madame Carlyle, femme de M. Carlyle. Maintenant le sang de la malheureuse bouillonnait, ses artères battaient, elle avait la fièvre. J'ignorais qu'ils furent mariés, soupira-t-elle. Il y a près de 15 mois que cet événement a eu lieu. J'étais à l'église. Dieu, quelle foule! La mariée était fort jolie, ma foi. Isabelle posa la main sur son cœur. Sous les plis épais de sa robe, Affy aurait pu compter les pulsations de son sein. Maîtrisant son émotion, elle parvint à ajouter d'un ton en apparence assez calme. Est-ce Barbara Hare qui l'a épousée? C'est évident. S'il faut en croire certaines personnes, il y avait eu des scènes d'amour entre cette jeune fille et M. Carlyle, bien avant qu'il ne songe à Lady Isabelle. Je tiens cela de Wilson, et elle doit le savoir, elle qui avait demeuré chez les Hare. Ils ont maintenant un petit enfant. Vraiment? Fit d'une voix faible la pauvre Isabelle. Un superbe garçon de 3 ou 4 mois. Madame Carlyle en est fière, et puis elle adore son mari. « Et les autres enfants ?» demanda Isabelle. « Les aiment-elles »« Je n'en sais rien. Je crois qu'elle n'a pas à s'en occuper beaucoup. Archibald est toujours avec la bonne et les deux autres avec l'institutrice. » »« Il y a donc une institutrice ?» La première chose que fit M. Carlyle après l'escapade de sa femme fut de prendre une institutrice. Il paraît cependant, d'après ce que m'a dit Joyce, qu'elle doit quitter bientôt la maison pour se marier. « Allez-vous souvent à Eastline ?»« Non, » répliqua Affie en secouant la tête. « On m'y reçoit trop mal. Je ne suis pas en faveur auprès de Mme Carlyle. Elle a su que son frère aurait donné tout au monde pour m'épouser, et elle ne me le pardonne pas. Après tout, la belle affaire qu'épousait Richard, » continua Affie, un peu sur le ton du renard qui ne peut mordre en raisin. « C'est un garçon sans cervelle et plein d'outrecuidance. Hélas, comme les événements s'enchaînent en ce monde. Si cette fois de Lady Isabelle n'avait pas quitté son mari pour laisser le champ libre à Mademoiselle Barbara, celle-ci n'aurait jamais eu la chance de devenir Madame Carlyle. » Isabelle soupira dans le fond de son cœur. « Il y a une personne qui est restée dévouée à Lady Isabelle, » poursuivit Affie, « c'est Joyce. Elle ne permet pas que l'on dise du mal d'elle. Joyce, voyez-vous, aimait cette femme presque autant que l'aimait autrefois M. Carlyle lui-même. Il l'aimait donc ? Lui, il l'adorait. Il se serait prosterné à terre pour baiser la trace de ses pieds. « Et comment reçut-on à Eastline la nouvelle de sa mort ?» demanda l'institutrice en comprimant les sanglots qui l'étouffaient. « Je l'ignore. Mais ce dut être un jour de fête. Comprend-on une chose pareille ? Abandonner ainsi ses malheureux enfants ? Un animal, une brute privée de l'ouïe et de la parole, fût-ce une vache ou une oie, s'attache à ses petits. » C'était trop pour le cœur d'Isabelle. Elle ne put en entendre davantage. L'âme ulcérée, les yeux gonflés de larmes lourdes et amères, elle se leva, souhaita le bonsoir à Affie et retourna lentement dans sa chambre. Elle se mit au lit, mais ce ne fut pas pour dormir. Ce qu'elle venait d'entendre ne faisait qu'augmenter le désir insensé qu'elle avait éprouvé de retourner à Eastline. Il y avait donc à Eastline une marâtre et un enfant au bord de la tombe. Oh, revoir ses enfants, être auprès d'eux une fois encore. Pour réaliser ce bonheur, elle eût volontiers fait le sacrifice du reste de ses jours. La fièvre la dévorait. Son lit était une fournaise. Elle sauta à bas de sa couche, la tête en feu, l'œil étincelant, et fit plusieurs fois le tour de sa chambre. Allait-elle avoir une fièvre cérébrale ? Allait-elle devenir folle ? Cette idée l'effrayait, l'épouvantait, car elle redoutait les indiscrétions du délire. Ses tempes et son cœur battaient à l'unisson. Elle se rejeta sur son lit et plongea son front dans son oreiller. N'en doutons pas, la nouvelle du mariage de Carlyle contribuait beaucoup à cette surexcitation nerveuse. Un étrange incident survint le lendemain, une de ces merveilleuses coïncidences qui ne se présentent pas souvent dans la vie, mais qui arrivent cependant de temps en temps. Après le déjeuner, Mme Crosby entra chez Mme Vine et lui parla du mariage projeté de sa fille. Elle lui exprima ensuite ses regrets. C'était l'unique but de sa visite, d'avoir à renoncer si soudainement à ses services, ajoutant qu'elle espérait lui procurer une autre position. En acceptera-t-elle une en Angleterre ? Madame Vine allait répondre non, quand Madame Crosby lui coupa la parole en lui disant « Attendez, je vais appeler Madame Latimer, qui saura mieux vous renseigner que moi. » Madame Latimer ne tarda pas à venir. Cette dame était tout feu, tout ardeur. « Ah ! » dit-elle avec la plus grande volubilité. « Ah, ma chère dame, quel bonheur pour vous d'entrer dans cette famille. Ce sont des personnes incomparables. Lui, tout le monde l'aime, le respecte. Elle, elle est jolie, aimable et séduisante. Et puis, notez bien que c'est une position admirable et enviable. Vous serez traité comme si vous étiez un des membres de la famille. Vous jouiriez du plus grand confortable. Une seule élève, il a bien un petit garçon. Mais on ne s'en occupe qu'une heure ou deux au plus. Enfin, 1500 francs d'honoraires. « Voyez-vous, ce sont des amis, les Carlyle. Leur résidence, Eastline, est un vrai paradis. » Institutrice à Eastline, chez les Carlyle, Isabelle ne respirait plus. « C'est Madame Carlyle elle-même qui m'a chargé de lui procurer une institutrice convenable, » continua Madame Latimer. « Il faut savoir le français et l'allemand. Or, vous parlez, vous écrivez ces deux langues dans la perfection. Madame Crosby me l'a dit. De plus, vous êtes excellente musicienne. » Vous feriez donc parfaitement leur affaire, et j'ai tout lieu de croire que je pourrais vous procurer la place. Voulez-vous que j'écrive sur le champ ? Que pouvait-elle répondre ? La tête lui tournait. Puisque Mme Latimer a la bonté de s'intéresser à vous, interjeta Mme Crosby, je crois que c'est une occasion qu'il ne faut pas laisser échapper. Voyons, écrirai-je à Mme Carlyle, reprit Mme Latimer. Lady Isabelle sortit soudain de sa stupeur, et saisissant enfin le sens de la question qui lui était adressée, elle répondit. « Veuillez m'accorder jusqu'à demain matin pour y réfléchir. car je n'avais nulle idée de me placer en Angleterre. Une lutte s'engagea dès lors en son âme. Tantôt elle se décidait, elle se risquait à accepter, tantôt elle refusait. Il lui semblait aussi par moments que la Providence lui offrait enfin cette occasion de revoir ses enfants. Puis tout à coup, une voix intérieure, une voix mystérieuse, lui soufflait à l'oreille. « Prends-y garde, la tentation est rusée, insinuante et maligne, ton devoir est de résister et de fuir. » Alors elle entrevoyait les choses sous un autre aspect. Comment supportera-t-elle la vue de Carlyle devenu l'époux d'une autre? Comment, vivant sous le même toit, son cœur se résoudrait-il à être le témoin impassible du bonheur et des joies domestiques? Cela serait terrible, oui, mais elle pourrait forcer son cœur, le dompter, le dresser. Non, quelle que soit sa propre douleur, quelle que soit ou que dussent être ses tortures, elle saura tout braver, tout subir, souffrances amères, affronts les plus sanglants pour revoir ses enfants. Le soir venu, elle hésitait encore. Elle passa de nouveau une nuit d'inquiétude et de douleur. Le désir de se retrouver auprès de ses enfants, ce désir puissant et terrible, écrasait toutes ses facultés physiques et morales. Enfin, la tentation devint trop forte. Le projet que l'on avait soumis à ses yeux avides devait s'accomplir. Elle résolut d'accepter. « Après tout, pourquoi n'irais-je pas ?» se demandait-elle dans le feu de la fièvre. « Qui m'en empêche ? Est-ce la crainte d'être reconnue ? Eh bien, si l'on me reconnaît, l'on me chassera. L'on me chassera honteusement, comme l'on chasse de son régiment un soldat que l'on dégrade. Mais je pourrais supporter tout cela, et bien d'autres outrages encore, si j'accomplis mon rêve, si je revois mes enfants. » Madame Latimer écrivit à Madame Carlyle, lui proposant Madame Byne pour institutrice. C'était, disait-elle dans sa lettre, une Anglaise, veuve d'un Français, protestante, dame accomplie, possédant plusieurs langues, excellente musicienne et capable de remplir tous les devoirs de sa profession. « Il ne faut pas faire attention à son air, » continuait Madame Latimer, « c'est une femme assez bizarre. Elle porte des lunettes, d'épais bonnets et d'énormes chapeaux. Elle a une grande cicatrice entre la joue et le menton, et bien qu'elle ait à peine 30 ans, ses cheveux sont gris. Mais malgré tout cela, c'est une personne d'une grande distinction, tant par ses manières que par ses qualités. » Quand cet étrange signalement parvint à Eastline, Barbara et Carlyle ne purent s'empêcher d'en rire. Tous deux cependant résolurent d'arrêter Madame Byne. Alors une singulière préoccupation s'empara de Lady Isabel. Elle se mit à rassembler scrupuleusement tous ses effets, tout ce qui était à son usage. Il ne fallait pas qu'un chiffon de papier, un linge à sa marque, pût révéler qui elle était. Le gros de ses bagages restait à Paris, dans les magasins où elle les avait déposés avant son départ de Grenoble. Puis elle s'attacha à rendre méconnaissables tous ses objets de toilette. Quant à son écriture, depuis 2 ans, elle s'appliquait à la modifier. Il y avait si bien réussi que personne n'aurait pu reconnaître maintenant la main de Lady Isabel Vane. Et cependant, en écrivant à Madame Carlyle, en répondant à la lettre que lui avait adressée cette dernière, sa main tremblait. Et cela n'était pas étonnant. Se figure-t-on Lady Isabel écrivant à Madame Carlyle, adressant sa lettre à Eastline, dont elle avait été autrefois la reine et l'idole, et où elle allait à présent rentrer comme simple gouvernante. Enfin arriva le jour du départ. Lady Isabel devait accompagner Madame Latimer et Affie Hallijohn, qui tous deux retournaient à Westline. Madame Latimer voyageait à petite journée, et la fiévreuse Isabel crut que le voyage ne finirait jamais. Vous connaissez sans doute la position de ces malheureux enfants qui vous ont été confiés, lui dit Madame Latimer. Il ne faut jamais leur parler de leur mère. Elle les a abandonnés. Je le sais. Il ne serait pas convenable, vous devez le comprendre, de rappeler ses enfants le souvenir d'une mère qui les a déshonorés. Cela ne pourrait que déplaire à M. Carlyle. Et d'ailleurs, je crois qu'on les élève à considérer Mme Carlyle comme leur véritable mère. Il lui fallut approuver quand même ces cruelles paroles. C'était une après-midi brumeuse. Le jour commençait à pâlir lorsqu'on arriva à Westline. Madame Latimer, après être descendue chez elle, prit congé de Madame Byne, qui monta dans un fiacre pour se rendre à Eastline. La voilà donc une fois encore, roulant sur cette route qui lui était tant connue. Elle passa devant la maison du juge Hare. Elle aperçut 1000 objets familiers à ses regards. Enfin, elle revit Eastline, cette chère et antique résidence. La voiture venait de s'engager dans l'avenue. D'une fenêtre à l'autre, allaient et venaient les lumières. Eastline avait un air de gaieté et de bonheur. L'âme d'Isabelle était triste et abattue. Son cœur était en proie à l'anxiété la plus vive. Le cocher, confondant ensemble les bruits des roues, du fouet et du galop de son cheval, arriva au bas du perron et fit halte. Isabelle tremblait de la tête aux pieds. Carlyle allait-il venir la recevoir? Elle regrettait maintenant sa démarche imprudente, et son esprit était bouleversé par la crainte et l'agitation.